Yes, I know. Oui, je sais. Salut à tous, si vous êtes français, je peux comprendre. I'm French, so I can understand. Salut Cédric. Bon, en fait, thank you.